Thank you. Thank you.

Thank you. douleur humaine sera tant que le capitalisme nous enlèvera sur nos terres. Oh.

Et pourtant, nous voulons coloniser l'espace. Comment expérimenter plus? Yeah, yeah, boo. Put. Fuit.